Les familles des jeunes filles de notre République, collectivement enlevées par le centre de renseignement sud-coréen, ont adressé le 23 une lettre de protestation au centre de renseignement sud-coréen. En voici le résumé. Nous trépignons d'indignation à penser à nos chères filles qui appelleront à cor et à cri, même à ce moment, leurs parents, frères et sœurs, en pleurant dans les cachots au sol de la Corée du Sud, tout à fait étrangères. Si le centre de renseignement sud-coréen fait courir toujours la rumeur comme la volonté libre et la sympathie pour voiler le crime ultra-géant, c'est une profanation de nos filles innocentes. Quant à nos filles, elles sont les jeunes filles pures qui ont grandi ne sachant que le bonheur, dans l'affection et les bienfaits ardents de notre parti et de notre République, auxquels même leurs propres parents n'ont pas pensé. Le monde est surpris par le dernier enlèvement horrible des bourreaux du centre de renseignement sud-coréen. Le centre de renseignement sud-coréen ne doit plus dénaturer la vérité du crime par les arguments impudents. Il doit s'excuser à genoux tout de suite de l'enlèvement de nos filles en plein jour. Il ne faut pas exercer les souffrances mentales et physiques à nos filles en leur imposant la conversion. Il faut les renvoyer tout de suite dans les bras de leurs parents, de la patrie. Il faut également ouvrir sur le champ le chemin pour que nos parents rencontrent directement leurs enfants et nous livrer les gangsters inouïs qui avaient participé à cet enlèvement et manipulé en coulisses cette affaire, de sorte que nous les vengeons à tout prix.